Le développement d'un logiciel marque un tournant décisif dans les entreprises. En effet, un logiciel peut automatiser des processus, améliorer la productivité et l'efficacité des équipes, pour proposer des services digitaux et pour rester compétitif. Mais pour les dirigeants d'entreprise et les porteurs projets, la question principale avant de commencer un tel projet est le coût de l'investissement. Cependant, répondre à cette question de manière globale est impossible, car le coût varie de quelques milliers d'euros à des centaines de milliers d'euros selon la complexité du logiciel, son type, les technologies utilisées, la sécurité ou l'intégration avec d'autres systèmes. Mais pour une entreprise, comprendre ses tarifs sont essentiels pour garantir sa rentabilité et ses avantages concurrentiels. C'est pourquoi dans ce guide complet de coûts, notre agence de développement logiciel Digital Unicorn vous présente le prix d'un logiciel, ses différents types, les facteurs influençant les coûts, les modèles de facturation, les estimations de prix et les coûts cachés à savoir. Comprendre le coût d'un logiciel, une vue d'ensemble. Le prix d'un logiciel n'est pas linéaire, le développement se compose de plusieurs phases qui nécessitent de nombreux profils différents selon le type de logiciel. De ce fait, c'est un investissement stratégique qui implique l'analyse des besoins, le design UX/UI, le développement technique, la sécurité, l'intégration de l'intelligence artificielle, des tests et la maintenance. Pour bien estimer le budget, vous devez alors prendre en compte de tout ce processus, car plus le projet implique des fonctionnalités, des analyses approfondies, de nombreux profils techniques ou d'intégration, plus les ressources et le temps de développement nécessaires augmentent et plus le coût final est élevé. Pour optimiser le coût tout en garantissant la qualité de votre logiciel, notre agence Digital Unicorn privilégie l'audit et l'analyse de processus de votre entreprise pour proposer la solution la plus adaptable. Pourquoi le prix d'un logiciel varie-t-il autant? Toutes les entreprises n'ont pas la même taille, la même maturité technologique et les mêmes besoins. De ce fait, le prix d'un logiciel varie énormément d'une entreprise à l'autre. Et même pour les solutions standards, le nombre d'intégrations, le volume de données et la scalabilité requise impactent aussi le niveau de personnalisation, la complexité de la maintenance et le coût de l'abonnement ou du développement. Les technologies utilisées jouent aussi un rôle important dans l'ensemble des coûts. Des technologies, comme l'IA, la cybersécurité avancée ou le cloud computing nécessitent plus de compétences techniques et presque rares et plus d'infrastructures robustes et scalable. L'importance d'une estimation précise. Estimer le budget de son projet est nécessaire pour mener à bien son développement afin d'assurer sa qualité et pour respecter le délai imposé. Une estimation ratée peut entraîner des dépassements de budget, des retards de développement, des fonctionnalités incomplètes, un échec de déploiement, des difficultés de maintenance. C'est pourquoi l'audit et la phase de cadrage sont essentielles avant d'entreprendre le développement d'un logiciel adapté aux besoins de votre entreprise. Ils permettent de connaître le périmètre de développement, les technologies à utiliser, les coûts cachés, le MVP, la roadmap et le budget nécessaire. Vous souhaitez connaître le prix réel de votre logiciel. Les experts logiciels de Digital Unicorn vous accompagnent dans l'estimation précise de votre projet dont l'analyse des besoins, la définition des fonctionnalités et l'évaluation du budget. Les différents types de logiciels et leur impact sur le prix. Comme nous l'avons vu, il existe alors plusieurs types de logiciels adaptés à tout type d'entreprise. Chacun ayant leur propre prix, voici les catégories de logiciels pour les entreprises en 2026. Tableau comparatif des prix des différents types de logiciels. Tableau comparatif des prix des différents types de logiciels. Logiciel sur mesure vs. Logiciel standard, une comparaison monétaire. Pour créer un logiciel, les entreprises peuvent choisir entre une solution standard et un logiciel sur mesure. Les logiciels standards. Les logiciels standards sont des solutions déjà existantes qui peuvent être utilisées directement avec des coûts récurrents sous forme d'abonnement ou de licence. Par exemple, il y a les outils CRM, les logiciels de comptabilité ou les logiciels de gestion. Leurs coûts initiaux sont faibles, le déploiement est rapide et la maintenance et l'infrastructure sont gérées par le fournisseur. Néanmoins, la personnalisation est très limitée et vous devez prendre toutes les fonctionnalités présentes même si certaines sont inutiles selon vos besoins. Cette solution est donc conçue pour les PME ou les start-ups qui ont des processus assez standards et limités. Les abonnements SaaS varient entre 20 et 300 euros/mois/utilisateur selon la complexité requise, version standard, pro ou premium. Les logiciels sur mesure. Les logiciels sur mesure sont développés spécifiquement à une entreprise pour répondre à ses besoins et à ses objectifs business. Un logiciel sur mesure s'adapte alors parfaitement au processus métier privilégiant des fonctionnalités complexes et spécifiques, l'automatisation et l'évolutivité. Il confère aussi une propriété totale à l'entreprise avec une personnalisation au maximum. Mais, ce type de logiciel nécessite un investissement élevé, des coûts de maintenance de 10 à 20% du budget initial et un temps de développement plus long. Il est donc recommandé pour les entreprises avec des besoins spécifiques dans certains domaines, santé, industriel, finance. Notre agence web Digital Unicorn peut développer des logiciels sur mesure adaptés à vos besoins métiers spécifiques en faisant un audit métier et une analyse de faisabilité. Logiciel d'entreprise, ERP, CRM. Les logiciels d'entreprise ERP et les CRM sont coûteux et complexes à développer à cause de la complexité des flux de données, de leur centralisation et des nombreux processus de plusieurs départements à la fois. Les fonctionnalités les plus utilisées sont la gestion client, la gestion commerciale, le suivi des ventes, l'automatisation des processus, la facturation ou le reporting avancé. De ce fait, ce type de logiciel a besoin d'une architecture robuste, d'une gestion des accès, d'une sécurité optimale et des intégrations multiples pour être vraiment performant. Voici alors quelques exemples de prix de développement. Un CRM sur mesure, 20 000 à 60 000 euros. Un ERP personnalisé, 50 000 à 200 000 euros. Le coût de licence des solutions préexistantes, 30 à 150 euros/mois/utilisateur. Logiciel de gestion, comptabilité, RH, planning, inventaire. Les logiciels ou les applications de gestion englobant la comptabilité, le RH, l'inventaire ou la planification ont pour rôle d'automatiser les tâches administratives. En 2026, ils sont maintenant boostés par l'IA pour plus d'efficacité et de productivité. Ils sont disponibles en abonnement SaaS, mais avec des fonctionnalités standards. Mais, un développement sur mesure coûte environ 25 000 à 60 000 euros. Les logiciels de gestion sont surtout destinés aux PME pour gagner en temps et en productivité en automatisant certaines tâches. Pour l'intégration IA dans votre entreprise, vous pouvez faire confiance à notre agence IA Digital Unicorn pour déterminer la solution IA adaptée à vos processus métiers. Logiciel métier spécifique, mais, facturation. Certains secteurs ont des processus spécifiques, santé, restaurant, industriel, cabinet juridique, ce qui nécessite des logiciels métiers uniques. Dans ce cas, le développement sur mesure est souvent recommandé à moins d'opter pour les solutions premium qui peuvent présenter des coûts assez lourds sur le long terme et avec des fonctionnalités inutiles. Comptez entre 15 000 à 40 000 euros pour un logiciel métier simple et 40 000 à 100 000 euros pour un logiciel métier complexe. Application mobile. Les applications mobiles deviennent maintenant incontournables dans le monde de l'entreprise. Elles offrent plusieurs avantages, comme la flexibilité, l'accessibilité et la portabilité. Les collaborateurs peuvent utiliser leur smartphone n'importe où et à n'importe quel moment, éviter les déplacements et faciliter les tâches répétitives. En effet, elles peuvent être utilisées pour la vente de produits, la proposition de services, améliorer l'expérience utilisateur et améliorer les opérations internes. Le prix d'une application varie en fonction de la plateforme, des technologies, du design UI/UX, de l'intégration API, des fonctionnalités et de la sécurité. Mais, il est aux alentours de 15 000 à 40 000 euros pour une application simple. 40 000 à 100 000 euros pour une application moyenne. 100 000 à 250 000 euros pour une application complexe. Vous pouvez appeler notre agence mobile pour créer une application mobile sur mesure selon vos besoins, vos objectifs et votre budget. Les facteurs déterminants du coût d'un logiciel. Pour en savoir plus sur la variation du prix d'un logiciel, notre agence de développement informatique Digital Unicorn vous présente les facteurs clés qui impactent le développement. Vous pouvez ainsi déterminer plus facilement le positionnement de votre projet face à ces variables et connaître plus précisément la fourchette de sa valeur. Complexité fonctionnelle et technique. Le coût dépend essentiellement de la complexité du projet. En effet, un projet complexe implique plus de fonctionnalités, plus d'analyses, plus d'intégration, intégration IA et API, plus de logique métier, plus de temps de développement et plus d'investissement. Voici quelques exemples des fonctionnalités de logiciels. Un simple logiciel, des formulaires simples, la gestion d'utilisateurs, l'affichage des données ou la gestion documentaire. Un logiciel complexe, la gestion multi-utilisateur, l'intelligence artificielle, des moteurs de recherche, l'automatisation des processus ou la synchronisation en temps réel. Taille et portée du projet. La taille du projet et sa portée déterminent aussi le type de projet et l'estimation du budget. Le nombre de pages, d'interfaces, le nombre de modules fonctionnels, l'architecture technique, la complexité de la base de données, le volume de données et le nombre de rôles utilisateurs définissent la charge de travail, le nombre de développeurs ainsi que le montant de l'investissement. Un logiciel de comptabilité interne d'une petite équipe nécessite que quelques semaines de développement tandis qu'un logiciel complet destiné pour des départements entiers implique plusieurs mois de travail et une mobilisation majeure profil expert. Personnalisation et fonctionnalités uniques. Les logiciels standards proposent un package de fonctionnalités génériques destinées pour les métiers avec des processus simples, donc ils coûtent moins cher que ce soit pour une licence ou un abonnement mensuel. Estimez votre projet d'application en 45 secondes. Répondez à quelques questions rapides et obtenez votre estimation gratuite. Estimation gratuite et sans engagement. Or, les logiciels sur mesure offrent une flexibilité et une personnalisation maximale, ce qui implique le développement de fonctionnalités ou de modules spécifiques adaptés au processus de l'entreprise. Ils peuvent être des algorithmes de recommandation, une automatisation d'un processus de travail ou un système d'analyse de données. Les développements personnalisés nécessitent davantage d'analyse, d'audit, de conception, de tests et de maintenance. Les solutions personnalisées permettent aux entreprises de gagner en productivité et d'avoir un avantage concurrentiel durable. Vous pouvez alors appeler notre agence Digital Unicorn pour concrétiser votre logiciel. Conception de l'interface utilisateur, UI, et de l'expérience utilisateur, UX. Un logiciel avec un bon design UX/UI améliore considérablement l'efficacité et la productivité d'une équipe, car il est intuitif, ergonomique, facile à utiliser et compatible avec de nombreux appareils. Pour concevoir une UI/UX optimale, il faut passer par plusieurs étapes dont la recherche UX, les wireframes, les maquettes graphiques, les prototypes et les tests utilisateurs. Dans ce cas, vous devez mobiliser des experts designers UI/UX qui peuvent gonfler le budget. Technologies utilisées et modernité. Les technologies utilisées influencent directement le prix d'un logiciel. Par exemple, les logiciels ayant besoin de l'IA, de la blockchain, du big data, d'une cybersécurité avancée ou d'une architecture microservice demandent des compétences rares et spécialisées augmentant considérablement le coût. Le stack technologique dépend aussi du type de projet, mais les plus performants, comme Rust ou Serverless, nécessitent des développeurs experts, spécialisés et expérimentés. Expertise et expérience des développeurs/prestataires. Le coût d'un logiciel dépend aussi de l'expertise et de l'expérience du prestataire, qui peut être des développeurs internes, des freelances ou des agences. Le prix varie alors en fonction du niveau d'expérience du prestataire, de la spécialisation, de la réputation de l'agence et de sa localisation géographique. plus le coût augmente, plus le code est plus robuste, plus le développement est rapide, plus il y a moins d'erreurs et plus le logiciel est performant. Par exemple, un développeur confirmé peut facturer 400 à 600 euros par jour, mais il nécessite un encadrement et un accompagnement, tandis qu'une agence experte peut coûter de 600 à 1200 euros par jour, mais elle peut s'occuper de tout le projet de A à Z en prenant compte des objectifs de l'entreprise. Intégration ZAPI avec système tiers comme ERP, CRM, paiement. Les logiciels modernes doivent se connecter d'autres outils IA et API de l'entreprise pour devenir performants. Ces outils peuvent être un CRM, un ERP, un système de paiement, des logiciels RH, des plateformes de marketing ou des sites e-commerce. Or, chaque intégration nécessite un développement API spécifique ou l'utilisation d'interfaces existantes. D'autres intégrations exigent des synchronizations complexes des données en temps réel alors que certains demandent une simple intégration. Sécurité, conformité RGPD et scalabilité. La sécurité est devenue un enjeu majeur pour les entreprises en 2026. En effet, les données clients et les informations sensibles doivent être protégées pour l'image, le business et la réputation. La sécurité doit être prise en compte dès l'audit et le développement. En Europe, les logiciels doivent aussi respecter certaines conformités, comme le RGPD qui implique le chiffrement de données, la gestion des accessibilités, la protection des données personnelles et l'audit de sécurité. Pour un logiciel performant et évolutif, il doit être supporté par une architecture scalable pour gérer la montée de trafic, l'augmentation des volumes de données et des connexions simultanées. Ces exigences techniques augmentent considérablement le budget, mais assurent la performance du logiciel par rapport à son évolution. Délai de livraison. Le délai de livraison requis pour le développement du logiciel impacte aussi son budget. Plus le développement doit être rapide, plus l'entreprise doit mobiliser plus de ressources. Plus de ressources veut dire plus développeurs, plus de matériel et bien évidemment plus de budget pour une gestion intensive. Cette accélération de travail peut augmenter le coût de 20 à 30%. Nombre d'utilisateurs prévus. Le volume d'utilisateurs impacte le coût de l'infrastructure, la puissance des serveurs, la base de données, la gestion de charges et le support technique. Un logiciel grand public avec 10 utilisateurs n'a pas les mêmes besoins qu'un logiciel avec 100 utilisateurs. Les étapes du développement et leurs coûts. Le développement d'un logiciel est divisé en plusieurs étapes, donc chacune ayant leurs propres prises et leurs propres exigences en ressources humaines. L'une des meilleures méthodes les plus efficaces pour estimer le coût total est de calculer le prix de chaque étape pour anticiper les investissements et pour mieux planifier le développement. Tableau de prix pour chaque étape de développement de logiciel. Tableau de prix pour chaque étape de développement de logiciel. Un cadrage et définition du cahier des charges. La première étape concerne la phase de cadrage qui consiste à analyser les processus métiers, les objectifs et les besoins de l'entreprise. Elle permet alors de déterminer le type de logiciel à développer, les fonctionnalités à intégrer et les technologies à utiliser. Les actions à faire dans cette phase sont la définition du cahier des charges, les problèmes à résoudre, les utilisateurs finaux, les objectifs business. L'étude de faisabilité IA si besoin. L'architecture technique. La maquette UI/UX. La roadmap du produit. L'estimation budgétaire. Le POC ou le MVP. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger cette première étape, car elle détermine toute la suite du développement. Un mauvais cadrage ou une négligence peut entraîner des surcoûts, des erreurs et des retards dans le développement. Pour le budget, préparez entre 1 à 5 000 euros pour les logiciels simples, 5 000 à 15 000 euros pour les logiciels moyens, 15 000 à 40 000 euros pour les logiciels complexes. De développement et phase de test. La phase de développement représente la plus grande étape, mais c'est aussi la plus coûteuse. Elle consiste à concrétiser le cahier de charges en mobilisant les équipes de développeurs requises et adaptées. Le développement comprend en général le développement back-end, Le développement front-end via la maquette UI/UX. Le développement mobile, si besoin. L'intégration de la base de données. Le développement de fonctionnalités spécifiques. L'intégration en API. Des tests complets pour garantir la sécurité, la stabilité, la performance et la compatibilité. Le coût de développement peut aller de 5 000 à 30 000 euros pour un logiciel de base. 30 000 à 100 000 euros pour un logiciel métier ou plateforme. 100 000 à 250 000 euros pour un logiciel complexe ou SaaS. 3. Implémentation et déploiement. Enfin, la dernière phase vient après le développement et les tests. Elle consiste à déployer le logiciel et l'intégrer dans l'écosystème de l'entreprise en comprenant la configuration des serveurs, le déploiement cloud, la migration de données existantes, le paramétrage des utilisateurs, l'ajustement des performances, la validation finale, le monitoring pour garantir une stabilité totale. Le coût du déploiement varie en fonction du logiciel, les voici. Déploiement simple, 1 000 à 5 000 euros. Déploiement intermédiaire, 5 000 à 15 000 euros. Déploiement complexe, 15 000 à 40 000 euros. Les coûts cachés et post-développement à anticiper. Lors du développement d'un logiciel, il faut prendre en compte de tous les coûts pour bien estimer son budget. En effet, il existe différents coûts pendant et après le développement qui peuvent alourdir le budget final, s'ils sont négligés. Pour anticiper tous les coûts, notre agence de développement de logiciels SaaS Digital Unicorn vous les présente. Maintenance corrective et évolutive, TMA. Après le développement et le déploiement, un logiciel doit être maintenu continuellement pour être performant. Il existe deux types de maintenancers. La maintenance corrective, détecter et corriger les bugs et les anomalies. La maintenance évolutive, ajout de nouvelles fonctionnalités, mise à jour des technologies et amélioration continue. Le budget de la maintenance peut représenter jusqu'à 15 à 25% du coût initial. Hébergement, infrastructure et licence logicielle. L'infrastructure d'un logiciel possède aussi son propre coût. Elle comprend les serveurs cloud, le stockage, les services de sécurité et les licences d'outils. Les coûts peuvent aller de 50 à 300 euros / mois pour les petits logiciels, de 300 à 2000 euros / mois pour les logiciels métiers et 2000 à 15000 euros / euros pour les logiciels complexes et de grande envergure ou à forte croissance. Formation des utilisateurs et accompagnement au changement. Les formations des utilisateurs sont parfois nécessaires pour une adaptation optimale du logiciel par une équipe interne, surtout si ce dernier intègre l'IA. La formation est constituée des sessions de formation, des documentations, des supports et un accompagnement au changement. Une formation peut coûter de 2 000 à 10 000 euros selon la complexité du logiciel. Coût de migration des données. Les migrations de données sont utiles si l'entreprise veut remplacer un ancien logiciel par un nouveau. La migration concerne les bases clients, les historiques des commandes, les données financières et les documents essentiels. Le coût varie en fonction du volume de données qui est alentour de 1 000 à 5 000 euros. Transformez votre idée en solution digitale performante et estimez son prix avec notre agence informatique Digital Unicorn qui concevoir des logiciels sur mesure, évolutifs et sécurisés pour automatiser vos processus, améliorer votre productivité et accélérer votre croissance.